de la butte, mais du côté où y'a pas de puce, près de la place, je joue au frein, tout à côté d'un Italien. Dans l'immeuble que du Luberlu, une chouette, une sorte de Landru, un couple qui se battait souvent, une vieille fille qui rêvait de couvent. M'ennuie, il fait gris, mais eux ils se sourient, les amoureux sous la pluie. J'ai pas un rond, je manque de pognon, mais lui il est pas con, il a trouvé le bon filon. Yeah! Oh, mais moi je sors de ce taudis pour rencontrer le tout Paris. Poser mes coudes sur un comptoir, tiens c'est marrant d'habitude, je vais jamais dans ce bar. Je vais jamais dans ce bar. Mais habiter à Paris je pourrais pas, du gris du noir c'est tout ce que je vois. Habiter à Paris je pourrais pas, sur tous les trottoirs y'a du caca. Campagne toute une vie, j'en ferai pas une orgie. Je serai pas si mal, même si je crève la dalle. Paris me dit Mathieu Pomme, viens rejoindre le tout Paname. Yeah! D'un